Quand j'en fais mieux, je me porte. Quand je dois bouger, ça me les casse. Ma passe pour me prêter main forte. Je préfère mourir dans ma crasse que de faire du rangement. Je suis pas dans le changement. Et je te le dis franchement, même me doucher ça m'agace. Pourquoi me laver, je serai sale demain. Ça fait 8 mois que j'ai pas vu ma salle de bain. Et mine de rien, je n'en suis pas mort pour autant. De façon, la voyante m'a dit que je mourrais qu'à faim. Je partage mon corps avec des fers, je les nourris avec du thé vert. Je pense que je suis sévère, car parfois je bois des belvédères pour les bourrer quand je suis vénère. Flemme de me lever même pour aller pisser. Ça sent pas la rose dans le caleçon. Faut plus du mire machine, là faut même du calgon. Encore faudrait-il que j'aille me hisser hors de ce canapé. La paresse m'a attrapé. Maintenant je suis plongé dans une torpeur à laquelle je suis attaché.